Emma Orsi. Lady Molly de Scotland Yard. Un château en Bretagne. Oui, nous venons de rentrer de vacances, ma chère Lady et moi, des vacances bien méritées, je peux vous le dire. Nous sommes allés à Porhoët, vous savez, un petit village de l'arrière-pays breton, pas très loin de la côte. Un endroit enchanteur, caché dans une vallée, bordée par un ruisseau de montagne, sauvage, romantique, pittoresque, la Bretagne en fait. Nous avions découvert ce petit endroit tout à fait par hasard l'année dernière, au cours de nos pérégrinations, et y avions séjourné alors environ 3 semaines, jetant les bases de cette étrange aventure qui a atteint son point culminant il y a tout juste un mois. Je ne sais pas si l'histoire vous intéressera, car la part de Lady Molly dans cette aventure était purement privée et n'avait rien à voir avec son activité professionnelle. En même temps, elle illustre de façon très nette cette faculté extraordinaire qu'elle possède de deviner les motivations et les intentions de ses semblables. Nous avions des chambres et une pension dans le cher petit couvent situé à la périphérie du village, près de l'église pittoresque et du charmant presbytère, et nous fîmes bientôt la connaissance du curé, un vieil homme simple et bienveillant, dont le chagrin, à l'idée que deux Anglaises aussi charmantes que Lady Molly et moi-même, soyons des hérétiques, était plus que compensé par son plaisir d'avoir quelqu'un du grand monde extérieur, comme il l'appelait, à qui parler, tandis qu'il nous racontait très ingénument quelque chose de sa propre vie simple, de ce village qu'il aimait et aussi de ses paroissiens. Parmi ces derniers, une personnalité occupait beaucoup ses pensées et sa conversation, et je dois dire qu'elle nous intéressait vivement. C'était celle de Mademoiselle Angela de Genneville, propriétaire du magnifique château de Porhoët, l'une des 7 merveilles de la France architecturale. Elle était anglaise de naissance, d'une famille de Jersey et immensément riche, son oncle, qui était aussi son parrain, lui ayant légué la plus grande fabrique de cigares de Saint-Hélier, en plus de 750 000 de livres sterling. Dire que Mademoiselle de Genneville était excentrique n'était qu'un euphémisme. Dans le village, on la considérait généralement comme tout à fait folle. Le curé a vaguement laissé entendre qu'une histoire d'amour tragique était à l'origine de toutes ses excentricités. Il est certain que, sans raison apparente, et alors qu'elle était encore une jeune femme, elle avait vendu l'entreprise de Jersey et réalisé toute sa fortune. Après 2 ans de voyages ininterrompus, elle vint en Bretagne rendre visite à sa sœur, la marquise de Terhoven, veuve qui possédait une petite propriété près de Porhoët et y vivait dans la retraite et la pauvreté avec son fils unique, Amédée. Mademoiselle Angela de Genneville fut agréablement séduite par la beauté et la tranquillité de ce petit village isolé. Le beau château de Porhoët était alors à vendre, elle l'acheta, prit des lettres de naturalité, devint sujet français et, à partir de ce moment, ne sortit plus de l'enceinte de son domaine nouvellement acquis. Elle ne retourna jamais en Angleterre et, à l'exception du curé, de sa propre sœur et de son neveu, ne vit personne d'autre que sa petite suite de serviteurs. Mais le cher vieux curé l'estimait au plus haut point, car elle était extrêmement charitable envers lui et envers les pauvres, et il ne se passait pas un jour sans qu'il ne nous parle de sa bonté ou de ses manières excentriques. Un jour, il arriva au couvent à 1 heure inhabituelle. Nous venions de terminer notre petit déjeuner, composé de café fumant et de petits pains, lorsque nous le vîmes s'avancer vers nous à travers le jardin. Sa démarche précipitée et la rougeur de son visage aimable montrèrent tout de suite qu'il était excité et perturbé. Il nous salua d'un hâtif « Bonjour mes filles » et se lança brusquement dans son sujet. Il expliqua, avec une grande volubilité, destinée à masquer son agitation, qu'il était porteur d'une invitation pour la charmante Anglaise. « Une curieuse invitation ? Ah oui, peut-être. Mademoiselle de Genneville, très excentrique, mais elle a de gros ennuis, de très graves ennuis, et elle est très malade aussi, maintenant, la pauvre dame, à moitié paralysée et faible, oui, faible du cerveau. Et puis son neveu, le marquis Amédée de Terhoven, un jeune homme si mal avisé, qui a eu de mauvaises fréquentations dans ce repère de malfaiteurs qu'est Paris, et depuis, c'est des dettes, toujours des dettes. Sa mère est si indulgente, trop indulgente, mais un fils unique, les charmantes dames anglaises comprendraient. C'était très triste, très très triste, et pas étonnant, Mademoiselle de Genneville était très en colère. Elle avait payé les dettes de Monsieur le Marquis une fois, deux fois, trois fois, mais maintenant elle ne paiera plus, mais elle est en grande difficulté et veut une amie, une femme de son pays, déclare-t-elle, car lui, hélas, n'était qu'un pauvre curé de village et ne comprenait pas les grandes dames et leurs curieuses manières. Ce serait la vraie charité chrétienne si la charmante anglaise venait voir mademoiselle. Mais sa propre sœur, la marquise, suggéra Lady Molly, interrompant la volubilité du vieil homme. Ah, sa sœur, bien sûr, répondit-il avec un soupir. Mais elle est la mère de Monsieur le Marquis, et la charmante dame anglaise comprendrait le cœur d'une mère, bien sûr. Mais je suis une parfaite étrangère pour Mademoiselle de Genneville, protesta Lady Molly. Ah, mais mademoiselle est toujours restée une anglaise dans l'âme, répondit le curé. Elle m'a dit aujourd'hui, il me semble que j'ai besoin de la poignée de main d'une anglaise sobre d'esprit et sensée, pour m'aider dans cette difficulté. Amenez-moi votre amie anglaise, monsieur le curé, si elle veut bien venir en aide à une vieille femme qui n'a personne vers qui se tourner dans sa détresse. Bien sûr, après cela, je savais que ma chère lady céderait. De plus, elle s'intéressait vivement à mademoiselle de Genneville et, sans plus de discussion, elle dit à monsieur le curé qu'elle était tout à fait prête à l'accompagner au château de Porhoët. 2. Bien sûr, je n'ai pas assisté à l'entretien, mais Lady Molly m'a si souvent raconté tout ce qui s'est passé et comment cela s'est passé, avec une telle richesse de détails pittoresques, que j'ai parfois du mal à réaliser que je n'étais pas là en personne. Il semble que Monsieur le curé lui-même ait conduit Milady en présence de Mademoiselle Angela de Genneville. La vieille dame n'était pas seule lorsqu'ils entrèrent. Madame la marquise de Terhoven, une femme âgée, quelque peu fleurie, dont les traits, quoique nettement grossiers, rappelaient ceux de sa sœur, était assise sur une chaise à haut dossier près d'une table, sur laquelle ses doigts tambourinaient nerveusement, tandis que, dans l'embrasure de la fenêtre, se tenait un jeune homme, dont la ressemblance avec les deux dames l'avait immédiatement désigné à la perception rapide de Lady Molly, comme le fils de l'une et le neveu de l'autre, le marquis de Terhoven, en fait. Mademoiselle de Genneville était assise bien droite dans un immense fauteuil. Elle avait un visage émacié, au teint cireux. Ses yeux avaient un éclat curieux et peu naturel. Une main s'agrippait fiévreusement au bras de son fauteuil, l'autre, totalement paralysée, gisait molle et inerte sur ses genoux. « Ah, enfin une Anglaise, Dieu merci » dit-elle d'une voix aiguë et stridente, dès que Lady Molly entra dans la pièce. « Venez ici, ma chère, car j'avais grand besoin d'une personne de votre espèce. Une Anglaise de cœur est le meilleur produit de la terre de Dieu, en fin de compte. » « Pardieu, mais je respire à nouveau !» ajouta-t-elle, tandis que Milady s'avançait un peu timidement pour la saluer et prenait la main tremblante que Miss Angela lui tendait. « Asseyez-vous près de moi !» ordonna la vieille dame excentrique, tandis que Lady Molly, confuse et pas peu fâchée de se trouver au beau milieu de ce qui était manifestement un conclave familial, se demandait vaguement dans combien de temps elle pourrait s'éclipser à nouveau. Mais la main tremblante de la paralytique serra si fort son propre poignet mince, la forçant à s'enfoncer dans une chaise basse à proximité et la tenant là de sa poigne d'acier, qu'il aurait été inutile et peut-être douloureux de résister. Satisfaite maintenant que sa nouvelle amie, ainsi que M. le curé, étaient prêts à rester près d'elle et à écouter ce qu'elle avait à dire, la malade se tourna avec un regard de violente colère vers l'embrasure de la fenêtre. « Je disais justement à mon neveu qu'il vendait la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je ne suis pas encore morte comme monsieur mon neveu peut le voir. Et j'ai fait un testament, oui, et je l'ai placé là où ses doigts malveillants ne pourront jamais l'atteindre. » Le jeune homme, qui jusqu'à présent avait regardé fixement par la fenêtre, tourna brusquement les talons et fit face à la vieille femme avec une lueur de haine dans le regard. « Nous pouvons nous opposer au testament, » intervint Madame la Marquise d'un ton glacial. « Pour quel motif ?» demanda l'autre. « Parce que vous étiez paralysé et sénile quand vous l'avez fait, » répondit sèchement la marquise. Monsieur le curé, qui, jusqu'à présent, triturait nerveusement son chapeau, leva les mains et les yeux vers le plafond pour souligner l'horreur qu'il ressentait face à cette suggestion dénuée de sensibilité. Lady Molly n'avait plus envie de partir, la poigne à demi paralysée de son poignet s'était relâchée, mais elle restait assise tranquillement, intéressée de toutes les fibres de sa vive intelligence par le drame émouvant qui se déroulait devant elle. Il y eut une pause, un silence rompu seulement par le tic-tac monotone d'une horloge monumentale, d'aspect curieux, qui se trouvait dans un angle de la pièce. Madame de Genneville n'avait pas répondu à la raillerie cruelle de sa sœur, mais un regard furtif, maniaque, presque dangereux, s'était glissé dans ses yeux. Puis elle s'adressa au curé. « Je vous prie d'amener une plume, de l'encre et du papier, ici, sur cette table !» demanda-t-elle. Puis, comme il s'exécutait avec empressement, elle se tourna à nouveau vers son neveu et, lui montrant le matériel d'écriture, lui dit « Assieds-toi et écris, Amédée !» lui ordonna-t-elle. « Écrire quoi ? » demanda-t-il. « Une confession, mon neveu !» répondit la vieille femme avec un rire strident. « L'aveu de tes petits travers, qui, si je ne viens pas à ton secours maintenant, t'amèneront à passer 7 ans au bagne, si je ne me trompe pas. Hein, mon bon neveu ?» « Une confession ?» rétorqua sauvagement Amédée de Terhoven. « Vous me prenez pour un imbécile ?» Non, mon neveu, je te prends pour un homme sage qui comprend que sa chère tante n'achètera pas ces intéressantes contrefaçons réalisées par monsieur le marquis Amédée de Terhoven et qui lui sont offertes par l'usurier Rubinstein, à moins que cet aveu ne soit écrit et signé par toi. Écris, Amédée, écris cet aveu, mon cher neveu, si tu ne veux pas te voir sur le banc des accusés, pour avoir contrefait le nom de ta tante sur un billet de 100 000 francs. » Amédée grommela un juron entre ses dents. Manifestement, la phrase de la vieille dame avait fait mouche. Il se savait dans une situation désespérée. Il semble qu'un prêteur avait menacé d'envoyer les faux billets à monsieur le procureur de la République s'ils n'étaient pas payés dans les 24 heures, et personne ne pouvait les payer à part mademoiselle de Genneville, qui avait refusé de le faire, sauf au prix de cet aveu humiliant. Un regard d'intelligence passa entre la mère et le fils. Intercepté par Lady Molly et interprété par elle, il semblait suggérer l'idée d'amuser la vieille tante, pour le moment, jusqu'à ce que les faux soient hors de portée du prêteur, puis de l'apaiser plus tard, quand peut-être elle aurait oublié, ou se serait enfoncée plus profondément dans l'impuissance et la sénilité. Comme pour répondre au regard de sa mère, le jeune homme dit sèchement « Je dois savoir quel usage vous comptez faire de la confession si je l'écris. »« Cela dépendra de toi, » répondit sèchement mademoiselle. « Tu peux être sûre que je n'enverrai pas volontairement mon propre neveu en prison. » Le jeune homme hésita encore un instant, puis il s'assit, maussa des courroucés et dit « Je vais écrire, vous pouvez dicter. » La vieille femme eut un bref rire, sec et sarcastique. Puis, sous sa dictée, Amédée écrivit « Moi, Amédée, marquis de Terhoven, j'avoue avoir contrefait le nom de mademoiselle Angela de Genneville sur les billets 6 juin et avoir ainsi obtenu d'Abraham Rubinstein de Brest la somme de 100 000 francs. » Maintenant, monsieur le curé, voulez-vous bien être témoin de la signature du marquis ? Dit l'irascible vieille dame quand Amédée eut fini d'écrire. Et vous aussi, ma chère ? Ajouta-t-elle en se tournant vers Lady Molly. Milady hésita un instant. Naturellement, elle ne désirait pas être mêlée à cette querelle de famille, mais une impulsion étrange l'avait attirée vers cette vieille dame excentrique qui, au milieu de sa splendeur semi-royale, semblait si malheureuse, entre son neveu, qui était un criminel et un brigand, et sa sœur, qui n'était guère moins méprisable. Obéissant à cette impulsion, ainsi qu'à un regard suppliant du curé, elle apposa sa propre signature comme témoin du document, et ce, malgré le fait que la marquise et son fils lui jetèrent un regard de haine qui aurait pu faire trembler d'inquiétude un esprit plus faible. Ce n'est pas le cas de Lady Molly. Ces mêmes regards menaçants ne firent que la décider. Puis, sur l'ordre de mademoiselle, elle plia le document, le glissa dans une enveloppe, la scella et l'adressa enfin à monsieur le procureur de la République, résident à Caen. Amédée observait toute cette procédure avec des yeux qui brûlaient d'une colère impuissante. « Cette lettre, reprit plus calmement la vieille dame, sera envoyée soupli à mon avocat, Maître Vendôme, de Paris, qui a rédigé mon testament, avec ordre de ne la poster qu'en cas de certaines éventualités que j'expliquerai plus tard. En attendant, mon cher neveu, tu peux dire à ton ami Abraham Rubinstein que je rachèterai tes intéressantes contrefaçons le jour où Maître Vendôme me dira qu'il a bien reçu ma lettre avec cette pièce jointe. » C'est une infamie, éclata la marquise, incapable de se contrôler plus longtemps. Je vais vous faire arrêter comme une folle dangereuse. Alors, bien sûr, je ne pourrai pas racheter les billets à Rubinstein, répliqua mademoiselle calmement. Puis, tandis que la marquise se calmait, abattue, terrifiée, réalisant le caractère désespéré de la position de son fils, la vieille dame se tourna placidement vers ma chère Lady, tandis que ses doigts tremblants serraient à nouveau la main fide de sa nouvelle amie anglaise. « Je vous ai demandé, ma chère, ainsi qu'à monsieur le curé, de venir me voir aujourd'hui, dit-elle, parce que je souhaite que vous m'aidiez tous les deux à accomplir mes dernières volontés. Vous devez me promettre très solennellement, l'une et l'autre, que lorsque je serai morte, vous accomplirez ces volontés à la lettre. Promettez, ajouta-t-elle avec fougue. La promesse fut dûment donnée par Lady Molly et le vieux curé, puis mademoiselle reprit plus calmement. Et maintenant, je veux que vous regardiez cette horloge, avec une apparente insignifiance. C'est un vieil objet de famille qui appartenait aux anciens propriétaires du Port-Rouet et que j'ai acheté en même temps que la maison. Vous remarquerez que c'est l'un des mécanismes les plus remarquables que l'esprit humain ait jamais conçu, car il a cette grande particularité de fonctionner pendant 366 jours consécutifs en conservant l'heure précise. Lorsque les pièces ont presque terminé leur travail, les poids, qui sont énormes, libèrent un certain ressort, et les grandes portes du boîtier s'ouvrent d'elles-mêmes, ce qui permet de remonter l'horloge. Une fois cela fait et les portes repoussées, personne ne peut les ouvrir avant que 366 jours ne se soient écoulés, c'est-à-dire pas sans casser le boîtier en morceaux. Lady Molly examina la curieuse vieille horloge avec beaucoup d'attention. Elle devinait déjà vaguement la portée des curieuses explications de la vieille dame. « Il y a 2 jours, poursuivit mademoiselle, l'horloge était ouverte et monsieur le curé l'a remontée, mais avant de repousser les portes, j'ai glissé certains papiers dans le boîtier. Vous vous souvenez, monsieur ?»« Oui, mademoiselle, je m'en souviens, répondit le vieil homme. » Ces papiers étaient mes dernières volontés et mon testament, léguant tout ce que je possède à la paroisse de Pérouet, dit sèchement mademoiselle de Genneville. Et maintenant, les portes de la caisse massive sont fermées. Personne ne peut avoir accès à mon testament avant 364 jours. Personne, ajouta-t-elle avec un rire strident, pas même mon neveu Amédée de Terhoven. Il s'ensuivit un silence qui ne fut rompu que par le bruissement de la robe de soie de Madame la Marquise, qui haussa les épaules en poussant un petit cri sarcastique. Ma chère, reprit Mademoiselle en regardant droit dans le visage enthousiaste et rayonnant de Lady Molly, vous devez me promettre que, dans 364 jours, c'est-à-dire le 20 septembre de l'année prochaine, vous et Monsieur le curé, ou l'un d'entre vous si l'autre est frappé d'incapacité, serez présent dans cette pièce à l'heure où la porte de l'horloge s'ouvrira. Vous remonterez alors l'héritage familial, sortirez les papiers que vous trouverez enfouis sous les poids et les remettrez à Maître Vendôme pour homologation à la première occasion. Monseigneur l'évêque de Caen, le maire de cette commune et le sous-préfet de ce département ont tous été informés du contenu de mon testament et aussi qu'il est pratiquement sous la garde du curé de Porhoët qui, sans aucun doute, se rend compte des graves conséquences pour lui-même s'il ne produisait pas le testament en temps voulu. » Le pauvre curé sursauta de terreur. « Mais, balbutia-t-il docilement. On pourrait m'empêcher d'entrer dans la maison par la force. Je pourrais être malade ou... » Il frissonna d'une terreur inavouable, puis ajouta plus calmement. « On pourrait alors m'accuser injustement d'avoir volé le testament, d'avoir spolié les pauvres du Porhoët en faveur des héritiers directs de Mademoiselle. « Ne craignez rien, mon bon ami, dit sèchement Mademoiselle. Bien que j'aie un pied dans la tombe, je ne suis pas aussi sénile que ma chère sœur et mon neveu le laissent entendre, et j'ai prévu toutes les éventualités. Si vous êtes malade ou empêché par des causes extérieures d'être présent ici au jour et à l'heure indiquée, cette charmante dame anglaise pourra vous remplacer. Mais si l'un de vous est empêché par la force d'entrer dans cette maison, ou si, étant entré dans cette pièce, la moindre violence ou même pression est exercée sur vous, ou si vous trouvez la pendule brisée, endommagée et dépouillée de son contenu, tout ce que vous avez à faire est d'informer Maître Vendôme du fait. Il saura comment agir. Que ferait-il ? Il enverrait une certaine confession que nous connaissons tous à Monsieur le procureur de la République, répondit la vieille dame en fixant le jeune marquis Amédée de son œil irascible. Cette même confession, poursuivit-elle, Maître Vendôme est chargé de la détruire si vous, monsieur, et mon amie anglaise ici présente, ainsi que l'horloge, n'ont pas été endommagés le jour de l'événement. Il y eut un moment de silence dans la grande pièce sombre, rompu seulement par le ricanement sarcastique de l'invalide, affaibli, fatigué par cette scène déchirante, où elle avait opposé son ingéniosité à moitié maniaque à la cupidité et à la rapacité d'un roué sans scrupules. On ne peut nier qu'elle ait acculé son neveu et sa sœur de tous côtés. Lady Molly elle-même se sentait quelque peu impressionnée par cette étrange vengeance conçue par la vieille dame outragée contre ses parents avides. Elle était bien trop intéressée par ce drame pour y renoncer, et, comme elle me l'expliqua par la suite, elle estimait qu'il était son devoir de rester l'associée et la collaboratrice du pauvre curé dans cette tâche dangereuse qui consistait à assurer aux pauvres du Porhoët la fortune qui, autrement, aurait été dilapidée sur les tables de jeu et les hippodromes. C'est pour cela, et pour de nombreuses raisons trop compliquées à analyser, qu'elle décida d'accepter sa part de la confiance que lui imposait sa nouvelle amie. Ni la marquise ni son fils ne firent attention à Lady Molly alors qu'elle prenait congé de Mademoiselle de Genneville, qui, à la fin, lui fit faire le serment solennel qu'elle resterait aux côtés du curé et qu'elle accomplirait les souhaits d'une femme mourante. Très perturbé, Monsieur le curé s'en alla. Lady Molly se rendit ensuite plusieurs fois au château de Porhoët pour voir l'invalide qui s'était prise d'une violente passion pour elle. En octobre, nous avons dû, par la force des choses, retourner en Angleterre et travailler, et au printemps suivant, le curé nous a annoncé la mort de Mademoiselle de Genneville. 3. Lady Molly avait certainement travaillé trop dur et était dans un état de santé fragile lorsque nous arrivâmes à Porhoët le 19 septembre suivant, moins de 24 heures avant le moment décisif où la vieille horloge révélerait le testament de Mademoiselle de Genneville. Nous nous rendîmes directement de la gare au presbytère, impatientes de voir le curé et de prendre toutes les dispositions pour les affaires de demain. À notre grand désarroi, nous avons été informés par la gouvernante que le curé était très gravement malade à l'hôpital de Brest, où il avait été transféré sur ordre du médecin. C'est la première fois que j'eus le sentiment que les choses ne se passeraient pas aussi bien que je l'avais prévu. Les dispositions prises par Mademoiselle de Genneville en ce qui concernait la révélation sensationnelle de son testament avaient été, à mon avis, si bien prises qu'il ne m'avait jamais semblé jusqu'à présent que la marquise de Terhoven et son précieux fils mèneraient une lutte désespérée avant d'abandonner toute idée de la fortune convoitée. J'imaginais le marquis acculé de tous côtés. Toute violence exercée contre le curé ou Lady Molly, lorsqu'ils entreraient dans le château pour accomplir la tâche qui leur avait été confiée, serait sanctionnée par l'envoi des aveux à M. le procureur de la République ou des poursuites pour faux en écriture suivraient immédiatement. Les dommages causés à l'horloge elle-même seraient punis de la même manière. Mais je n'avais jamais pensé aux maladies soudaines, aux « le ciel nous vienne en aide », poisons ou accidents inexplicables, que ce soit pour le curé ou pour la femme que j'aimais le plus au monde. Il n'est pas étonnant que Lady Molly ait paru pâle et fragile lorsque, après avoir remercié la gouvernante, nous nous sommes dirigés en silence vers le couvent où nous avions à nouveau réservé des chambres. D'une certaine manière, l'hospitalité dont nous avions fait preuve l'année dernière avait perdu de sa cordialité. De plus, nos chambres, cette fois, ne communiquaient pas entre elles, mais s'ouvraient indépendamment sur un passage en pierre. La sœur qui nous fit monter nous expliqua, un peu honteusement, que comme la mère supérieure ne nous attendait pas, elle avait loué la chambre qui se trouvait entre les deux nôtres à une visiteuse, qui était cependant malade et alitée à ce moment-là. C'est sixième sens, dont on a tant parlé et écrit, mais que je n'essaierai pas d'expliquer, m'indiqua clairement que nous n'étions plus parmi des amis au couvent. Y avait-il eu corruption ? La visiteuse était-elle une espionne mise en place par les Terhoven pour surveiller nos mouvements ? Impossible à dire. Je ne pouvais plus chasser les nombreux pressentiments lugubres qui m'assaillirent le reste de la journée et m'empêchèrent de dormir pendant la nuit. Je peux vous assurer que, dans mon cœur, je souhaitais que toutes les vieilles dames excentriques et leurs volontés cachées disparaissent au fond de la mer. Ma chère Lady était apparemment aussi très perturbée. Elle repoussa promptement et autoritairement toute tentative de ma part d'aborder le sujet du testament de Mademoiselle de Genneville. En même temps, je la connaissais assez pour deviner que tous ces dangers sans nom, qui semblaient s'être insinués autour d'elle, ne faisaient que renforcer sa détermination à exécuter à la lettre les dernières volontés de sa vieille amie. Nous allâmes nous coucher assez tôt, pour la première fois, sans ce délicieux bavardage final où les événements, les plans, les suppositions et le travail étaient librement discutés entre nous. La visiteuse invisible, qui se trouvait dans la chambre qui nous séparait, avait douché l'enthousiasme de notre intimité. Je suis restée avec Lady Molly jusqu'à ce qu'elle soit couchée. Elle me parla à peine pendant qu'elle se déshabillait, mais lorsque je l'embrassai pour lui dire bonne nuit, elle me chuchota de façon presque inaudible à l'oreille « Les Terhoven sont à l'œuvre. Ils peuvent te piéger et t'offrir un pot de vin pour m'empêcher d'entrer au château demain. Fais semblant d'être de leur avis. Accepte tous les pots de vin et mets-toi à leur disposition. Je ne dois pas en dire plus maintenant, nous sommes espionnés. » Les 5 minutes qui suivirent prouvèrent que Milady avait, comme d'habitude, raison dans ses suppositions. J'étais sorti de sa chambre et j'allais entrer dans la mienne, quand j'entendis mon nom prononcé à peine plus fort qu'un murmure, tandis que je sentais mon bras doucement saisi par derrière. Une femme âgée, au style rococo, se tenait devant moi, vêtue d'une robe de chambre de couleur terne. Elle me montrait du doigt la porte de ma propre chambre, laissant entendre qu'elle souhaitait m'y accompagner. Me souvenant des injonctions de ma chère Lady, j'acquiesçai d'un signe de tête. Elle me suivit, après avoir jeté un coup d'œil prudent dans le passage. Puis, lorsque la porte fut dûment fermée et qu'elle se fut assurée que nous étions seuls, elle dit très brusquement « Miss Granard, dites-moi, vous êtes pauvre, hein? Vous êtes la compagne rémunérée de votre riche ami, en quelque sorte ?» Pensant encore aux ordres de Lady Molly, je répondis par un soupir pathétique. « Alors, reprit la vieille dame avec empressement, voulez-vous gagner 50 000 francs ?» L'empressement avec lequel je répondis « Pas qu'un peu !» lui plut apparemment, car elle poussa un soupir de satisfaction. « Vous connaissez l'histoire du testament de ma sœur, de l'horloge ?» demanda-t-elle avec impatience. « Du rôle de votre ami dans cette affaire éhontée ?» Une fois de plus, j'acquiesçai. Je savais que Milady avait deviné juste. C'était la marquise de Terhoven, installée au couvent pour gagner ma confiance, espionner Lady Molly et m'offrir un pot de vin. Je décide donc d'user d'une tactique intelligente. « Pouvez-vous empêcher votre ami d'être au château demain avant 1 heure ?» demanda la marquise. « Facilement, répondis-je calmement. « Comment ?»« Elle est malade, comme vous le savez. Le médecin lui a prescrit un somnifère. C'est moi qui l'administre. Je peux faire en sorte qu'elle en prenne une forte dose le matin au lieu de son autre médicament. Elle dormira jusqu'à la fin de l'après-midi. » J'avais débité tout cela avec désinvolture dans mon meilleur français. Madame la marquise poussa un profond soupir de soulagement. « Ah, c'est bien, dit-elle. Alors, écoutez-moi. Faites ce que je vous dis et demain vous serez plus riche de 50 000 francs. Venez au château demain matin, vêtu des habits de votre ami. Mon fils sera là. Ensemble, vous assisterez à l'ouverture des portes secrètes et quand mon fils aura remonté lui-même la vieille horloge, il remettra 50 000 francs entre vos mains. » « Mais, monsieur le curé, suggérai-je timidement. « Il est malade, répondit-elle sèchement. Mais, en prononçant ces 3 mots, son visage arborait un tel rictus, un tel air de triomphe cruel flambé dans ses yeux, que tous mes pires soupçons furent immédiatement confirmés. Avait-elle en effet soudoyé quelques praticiens de campagne dans le besoin pour mettre le curé temporairement hors d'état de nuire ? C'était trop affreux pour y penser, et je peux vous dire que j'eus besoin de toute ma présence d'esprit, de tout mon désir de jouer mon rôle courageusement et intelligemment jusqu'au bout, pour ne pas m'enfuir loin de cette horrible femme. Elle me donna quelques instructions supplémentaires concernant les services qu'elle et son précieux fils attendaient de moi le lendemain. Il semble que, quelque temps avant sa mort, Mademoiselle de Genneville ait donné des instructions strictes à 2 de ses serviteurs les plus fidèles et qu'il soit aux aguets le 20 septembre de cette année, jour de l'événement, afin d'éviter toute violence grave à l'égard de la dame anglaise ou du curé. C'est dans le but de dissiper tout soupçon qui pourrait naître dans l'esprit de ces 2 hommes que le marquis m'avait demandé de me faire passer pour Lady Molly demain et d'entrer avec lui dans des conditions apparemment amicales, dans la pièce où se trouvait l'horloge monumentale. Pour ses services, ainsi que pour ceux qui consistaient à plonger Lady Molly dans un sommeil artificiel pendant que l'on procédait au vol du testament, je devais recevoir de M. le marquis de Terhoven la somme de 50 000 francs. Toutes ces questions ayant été réglées, à la satisfaction apparente de cette méchante femme, elle me prit les deux mains, les serra chaleureusement, m'appela son amie la plus chère, m'assura de sa gratitude éternelle et enfin, à mon grand soulagement, se glissa sans bruit hors de ma chambre. 4. Je supposais, je pense avec raison, que Madame la Marquise passerait la plus grande partie de la nuit l'oreille collée à la mince cloison qui séparait sa chambre de celle de Lady Molly. Je n'osais donc pas aller me dénoncer et rapporter la conversation capitale que je venais d'avoir, et je me demandais vaguement quand j'aurais l'occasion de parler avec ma chère Lady sans avoir l'impression qu'un espion était à l'écoute. Le lendemain matin, lorsque j'entrai dans sa chambre, à ma grande surprise et avant que j'aie eu le temps de prononcer un mot, elle poussa un gémissement audible, comme si elle souffrait beaucoup, et dit faiblement mais très distinctement « Oh, Mairet, je suis si heureuse que tu sois venue. Je me sens terriblement mal. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et je suis trop faible pour essayer de me lever. » Heureusement, ma perception n'avait pas été émoussée par l'excitation des dernières heures et je pouvais voir qu'elle n'était pas si malade qu'elle le prétendait. Ses yeux cherchèrent les miens lorsque je m'approchai de son lit et seules ses lèvres prononcèrent les mots que je crus avoir interprétés correctement. « Fais ce qu'ils veulent, je reste au lit, je t'expliquerai plus tard. » De toute évidence, elle avait des raisons de penser que nous étions surveillés de près. Mais ce que je ne pouvais pas comprendre, c'est ce qu'elle espérait qu'il arriverait si elle n'était pas présente au moment où l'ouverture de la porte de l'horloge révélerait le testament. Voulait-elle que je m'empare du document, que je subisse le poids de la colère et de la déception des Terhoven? Ce n'était pas son genre d'avoir peur d'accomplir un devoir, même si cet accomplissement pouvait s'avérer dangereux. Et ce n'était certainement pas son genre de rompre une promesse faite à une mourante. Mais, bien sûr, mon devoir était d'obéir. Supposant que nos mouvements étaient surveillés, je versai à ma chère Lady une dose de médicament qu'elle prit avant de se laisser tomber sur ses oreillers comme si elle était épuisée. « Je pense que je peux dormir maintenant, Mairet, dit-elle. Mais réveille-moi plus tard, je dois être au château à midi, tu sais. » Comme l'une des valises de Lady Molly se trouvait dans ma chambre, je n'eus aucune difficulté à me vêtir de quelques-uns de ses vêtements. Ainsi équipé et étroitement voilé, ignorant encore les projets de Milady, anxieuse, mais décidée à obéir comme un soldat, aveuglément et sans poser de questions, je me rendis au château un peu avant midi. Un vieux maître d'hôtel ouvrit la porte en réponse à mon coup de sonnette, et dans le vestibule intérieur était assise la marquise de Terhoven, tandis que son fils marchait d'un pas agité. « Ah, voilà Milady qui arrive !» dit la marquise avec indifférence. « Vous êtes venue, madame, ajouta-t-elle en se levant et en me prenant la main, pour accomplir un devoir qui privera mon fils d'une fortune qui aurait dû lui revenir de droit. Nous ne pouvons vous mettre des bâtons dans les roues sous peine d'un effroyable déshonneur qui s'abattrait alors sur mon fils. De plus, ma défunte sœur a rempli cette maison de gardes et d'espions. Croyez-moi, vous n'avez donc rien à craindre. » Vous pouvez accomplir votre devoir sans être dérangé. Peut-être ne verrez-vous pas d'inconvénient à ce que mon fils vous tienne compagnie. Ma précieuse sœur a fait enlever la porte de sa chambre avant sa mort et a fait mettre un rideau à la place, conclut-elle avec ce qui devait être le ricanement de chasseurs de fortune déçus. Alors, le moindre appel de votre part fera accourir ces espions. Sans un mot, le marquis et moi nous sommes inclinés l'un devant l'autre, puis, précédés par le vieux majordome de la famille, nous avons monté l'escalier monumental jusqu'à ce que je suppose avoir été la chambre de l'excentrique vieille dame. Le majordome écarta le rideau de portière et resta dans le couloir pendant que nous entrâmes. Là se trouvait l'énorme horloge, exactement comme Milady me l'avait souvent décrite. Elle faisait tic-tac avec une majesté lente et lugubre. Monsieur le marquis m'indiqua un fauteuil. Il était manifestement dans un état de tension nerveuse terrible. Il ne pouvait rester assis et ses doigts se serraient et se desserraient sans cesse avec un curieux mouvement fébrile qui trahissait son intense agitation. J'allais faire une remarque lorsqu'il me saisit brusquement le poignet, pointa un doigt à ses lèvres et indiqua la direction de la portière. Apparemment, il pensa que quelqu'un faisait le guet à l'extérieur, mais l'horloge elle-même était placée de telle sorte qu'elle ne pouvait pas être vue par quelqu'un qui n'était pas dans la pièce. Après cela, nous sommes restés tous les deux silencieux, tandis que ce vieux mécanisme tournait sans relâche, cachant toujours le secret qu'il contenait. J'aurais donné 2 ans de salaire pour savoir ce que Lady Molly aurait voulu que je fasse. Franchement, je m'attendais à la voir entrer d'un moment à l'autre. Je ne pouvais me résoudre à croire qu'elle avait l'intention de se soustraire à son devoir. Mais elle m'avait dit « rallie-toi à leur point de vue », de sorte que lorsque le marquis me fit signe de traverser la pièce pour venir examiner l'horloge, j'obéis avec empressement. À ce moment-là, j'avais l'impression que tout mon corps était bourré d'aiguilles et d'épingles qui me piquaient les nerfs et la peau à m'en faire hurler de douleur. Je traversais la pièce comme dans un rêve et regardais la curieuse horloge qui, dans moins d'un quart d'heure, allait révéler son secret. Je suppose que des personnes plus intelligentes que la pauvre Mary Granard pourraient se lancer dans de longues discussions philosophiques sur ce stupide mécanisme qui retenait en toute sécurité le destin de ce joueur ruiné et sans scrupules. Mais je n'étais consciente que de ce tic-tac incessant, tandis que mes yeux me faisaient littéralement mal à force de fixer la porte. Je ne sais plus comment cela s'est passé, car je fus prise au dépourvu, mais l'instant d'après, je me suis retrouvée sans défense, à peine capable de respirer, car on m'enroulait une écharpe de laine autour de la bouche, tandis que 2 bras puissants m'entouraient le corps, m'empêchant de bouger. « Ce n'est qu'une protection pour moi, ma chère Miss Granard, » murmura une voix tremblante dans mon oreille. « Restez tranquille et ne vous arrivera rien. Dans 10 minutes, vous aurez vos 50 000 francs en poche et vous pourrez sortir du château en toute tranquillité. Ni votre dame anglaise, ni monsieur le curé ne pourront dire qu'ils ont subi une quelconque violence et la pendule ne sera pas endommagée. » Ce qui se passera ensuite m'importe peu. La loi ne pourra pas m'arracher la fortune de cette vieille folle une fois que j'aurai détruit son maudit testament. Commencer à vous raconter ce qui se passa dans mon esprit à ce moment-là serait impossible. Avais-je vraiment deviné ce qui allait se dérouler et ce que ma chère Lady avait prévu? Ou était-ce simplement la sympathie qui existe entre elle et moi qui me poussa à agir aveuglément selon ses désirs? Rallie-toi à leur point de vue, accepte leur pot de vin, m'avait-elle dit, et j'obéis à la lettre, comme un soldat, à cet ordre, à la lettre. Je suis resté absolument immobile, ne bougeant presque pas une paupière en regardant le cadran de l'horloge, les minutes s'écoulant à toute vitesse, maintenant 3, maintenant 5, maintenant 10. Je pouvais entendre la respiration stertoreuse du marquis tout près de moi. Est-ce que je rêvais ou est-ce que je voyais vraiment une ligne sombre de la largeur d'un cheveu entre les 2 portes massives de l'horloge? Oh, comme mon pouls palpitait! Cette ligne sombre s'élargissait sensiblement. Les portes s'ouvraient lentement. Pour l'instant, je me sentais presque en sympathie avec le bandit qui était aux aguets avec moi. Son agitation devait être la plus exquise des tortures. Nous pouvions maintenant voir distinctement le scintillement du papier blanc, non pas pressé par les lourds poids, mais reposant librement juste à l'intérieur des portes. Et bientôt, alors que l'ouverture s'élargissait, les papiers tombèrent juste à mes pieds. Avec une exclamation étouffée et dans un gargouillis que je n'essaierai pas de décrire, le marquis se jeta littéralement sur ce papier comme une bête sauvage affamée sur sa proie. Il était à genoux devant moi et je pouvais voir que le papier était une enveloppe carrée qu'il déchira d'une main tremblante. Elle contenait un court document sur lequel la signature, Amédée de Terhoven, était clairement visible. C'était l'aveu de faux fait par le jeune marquis il y a un an à peine. Il y avait aussi quelques billets de banque, quelques centaines de mille francs peut-être. Le jeune homme les jeta furieusement de côté et se tourna de nouveau vers l'horloge. Les portes étaient grandes ouvertes, mais elles ne laissaient voir que le mécanisme énorme et compliqué de l'horloge. Mademoiselle de Genneville, excentrique et prévoyante jusqu'au bout, avait joué ce gigantesque canular à ses proches intrigants. Pendant qu'ils mettaient toute leur énergie sans scrupule à essayer d'entrer en possession de son testament à un endroit, elle l'avait calmement mis en sécurité ailleurs. Entre-temps, monsieur le marquis eut suffisamment de présence d'esprit et, je dois l'avouer, de dignité, non seulement pour me libérer de mes liens, mais aussi pour m'offrir les 50 000 francs qu'il m'avait promis. « Je peux remonter l'horloge maintenant, » dit-il d'un ton morne, « et vous pouvez sortir directement d'ici. Personne ne doit savoir que vous vous êtes fait passer pour votre amie. » Elle était sans doute au courant de cette supercherie. C'est pourquoi nous avons réussi si facilement à la tenir à l'écart. C'était une plaisanterie macabre, n'est-ce pas? Comme la vieille sorcière doit glousser dans sa tombe. Inutile de dire que je n'ai pas pris son argent. Il me raccompagna en silence, subjugué sans doute par l'esprit de haine qu'il avait suivi depuis le pays des ombres. Il ne manifesta même aucune surprise lorsqu'en arrivant dans le hall, il fut accueilli par l'avocat de sa défunte tante, Maître Vendôme, ainsi que par Lady Molly qui venait d'arriver. Madame la marquise de Terhoven était absente. Ma chère Lady me sourit d'un air approbateur et lorsque je m'approchai d'elle, elle s'arrangea pour m'écarter et me chuchoter à la hâte. « Tu t'es admirablement bien débrouillée. « Je suis venue te chercher. Mais maintenant que les plans de ce jeune voyou sont déjoués, nous ferions mieux de partir, car notre travail ici est terminé. » Le marquis ne la regarda même pas, tandis qu'elle s'inclinait légèrement devant lui, prenait congé de Maître Vendôme et sortait enfin du château avec moi. Dès que nous fûmes à l'air libre, je demandai une explication. « Maître Vendôme a le testament de mademoiselle, » répondit-elle. Elle lui avait adjoint de le lire aujourd'hui au château, en présence des trois administrateurs nommés pour les pauvres du Port-Rouet, qui héritent de toute sa fortune. « Et les Terhoven, » demandai-je. « Ils ont récupéré les aveux, » dit-elle sèchement, « et ils recevront une rente de la part des administrateurs. » « Et tu le savais depuis le début ?» répliquai-je avec un peu de reproche. Oui, le curé aussi, mais mademoiselle m'a fait faire le serment le plus solennel de ne pas révéler son secret, même à toi. Elle avait tellement peur des machinations des Terhoven. Vois-tu, poursuivit Lady Molly en souriant à mon empressement, mademoiselle de Genneville possédait la clé ancienne qui lui permettait d'ouvrir le boîtier de l'horloge à tout moment. Il est évident que même un mécanisme aussi parfait peut se dérégler et qu'il est alors nécessaire de l'examiner et de le réajuster. Après le conclave familial, au cours duquel elle avait annoncé que son testament était caché dans l'horloge, je l'ai supplié, lors de ma prochaine entrevue avec elle, de modifier cette idée, d'envoyer son testament à son notaire, mais de laisser aux Terhoven l'impression qu'il se trouvait toujours dans son étrange cachette. Elle a d'abord refusé de m'écouter ou de discuter du sujet, mais je suis heureuse de dire que j'ai finalement réussi à la persuader avec le résultat que tu connais déjà. « Mais pauvre monsieur le curé » m'exclamai-je. Ses yeux brillants s'illuminèrent de gaieté. Oh, c'était un dernier petit tour de passe-passe. Lui-même, ma pauvre chérie, avait peur de tout dévoiler. Sa maladie n'était en partie qu'un simulacre et il est tout à fait rétabli maintenant, mais le médecin de l'hôpital de Brest est un grand ami à lui et il le garde là jusqu'à ce que toute cette affaire soit terminée. Je suis la seule à avoir été tenue dans l'ignorance, conclus-je avec dépit. Oui, Mary, ma chère, dit doucement Lady Molly. C'était une promesse, rappelle-toi. Mais je n'aurais jamais pensé que nous aurions autant d'émotions en dehors de notre activité professionnelle. Il s'agissait certainement d'une expérience non professionnelle. Mais ici aussi, comme dans la détection des crimes, sa vive intuition s'était révélée plus qu'à la hauteur d'un bandit sans scrupules, et il est certain que, le 20 septembre dernier, j'avais vécu les 10 minutes les plus excitantes de ma vie. Fin de Un château en Bretagne d'Emma Orsi.